tonight is gonna be the loneliest. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be hers. Tonight is gonna be the sur France Bleu Armorique dans l'émission Breton à 16h18 aujourd'hui, juste après avoir fredonné avec Maneskin à l'instant. On est avec Michel Cabaret, je le rappelle, directeur de l'espace des sciences à Rennes. Et quand on habite Rennes et qu'on habite la Bretagne et qu'on est un Breton, même si vous l'êtes depuis une trentaine d'années, mais d'adoption, on peut se demander encore, Michel, si vous êtes plutôt ambiance mouette, là, comme ce que l'on entend, ou plutôt l'intérieur des terres, des moutons ou autres. Parce que bon, écoutez, je vous dirais plutôt mer, quand même, côté Atlantique, hein, parce que la mer en Bretagne, elle est merveilleuse, elle nous entoure, nous sommes sur une péninsule, depuis Pamar, en remontant à l'île de Bréa, le Mont-Saint-Michel est au sud, le golfe du Morbihan, la mer, elle est partout en Bretagne. Et elle a façonné la Bretagne aussi. Mmh. Et la Bretagne n'a jamais sûrement été aussi forte, dans tous les sens du terme, économique, culturel, que lorsqu'elle s'est ouverte sur le monde. Mmh. Et les mers jouent sûrement ce grand rôle. Ah bien, on est quand même la région de France qui a le plus de kilomètres de côte, hein, c'est ça, c'est une évidence. Donc vous aimez bien aller à la mer. Votre plage préférée alors ? C'est Sucigneau, sur la commune de Sarzeau, plein sud, une très très belle plage, avec le château à côté, à proximité, des marais aussi, qui sont magnifiques, avec de nombreux oiseaux. Donc il y a le côté mer, le côté aussi histoire, patrimoine, et puis ce côté nature très très beau, et puis le golfe du Morbihan est tout proche, avec de nombreuses îles dont on pourra peut-être parler, vos questions. On va y revenir. Vous venez de parler des oiseaux, vous arrivez à les identifier un petit peu, vous êtes un peu ornithologue. Oui, lorsque j'étais plus jeune, c'était ma passion d'observer les oiseaux et de les déterminer. Et j'avais un livre, le Fitter, dans lequel je cochais toutes les nouvelles espèces et je sais reconnaître les oiseaux. Oui. Pour l'aspect visuel, mais aussi au chant. Ça, c'est formidable. Vous vous promenez dans la nature comme dans un livre ouvert, finalement. C'est ça. Ça, c'est agréable. Alors, il y a un mot en Bretagne sur lequel personne n'est vraiment d'accord. Je lui dirai les mots bleus. Le mot glaze. Le mot glaze serait-il le fameux mot bleu, comme dans la chanson de Christophe, reprise là par un breton, Yvan Le Bolloc? Ou bien, est-ce que vous avez une définition autre pour glaze? Bah, j'ai toujours un petit peu peut-être le regard scientifique, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi il y a cette nuance verte et bleue de la mer en Bretagne. Je trouve d'ailleurs cette nuance-là magnifique et on ne la retrouve nulle part ailleurs au monde. Alors moi, je veux savoir d'où ça vient. Mais c'est ça, et je ne saurais pas trop vous répondre. Pour je n'ai pas réponse à tout. Et c'est vrai qu'il y a de très belles eaux qui sont turquoises en Grèce, en Turquie, par exemple, en Méditerranée. Mais en Bretagne, on a cette nuance bleu-vert de la mer qui est magnifique. Je pense que ça doit être le zoo et phytoplancton, plutôt le phytoplancton, parce qu'il y a du vert, donc de la chlorophylle, qui doit donner cette teinte caractéristique de la mer en Bretagne. Parce qu'il y a du gris, il y a du bleu. Du bleu, du vert, c'est absolument magnifique. Et c'est surprenant, en tout cas vous n'avez pas la réponse pour une fois, Michel Cabaret. Oui, on a beau être scientifique, on ne sait pas tout. Alors vous avez choisi une chanson, parce que vous y avez droit hein, dans l'émission Breton, chacun choisit sa chanson. Vous, c'est Louis Armstrong avec What a Wonderful World. Pourquoi ce choix? Alors écoutez, c'est une magnifique chanson, c'est un hymne pour la paix, pour l'amour aussi. C'est un standard du jazz américain qui a été repris et repris par des dizaines et des dizaines d'interprètes. Oui. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans le planétarium, à l'espace des sciences, on va aux confins de l'univers, de ce que l'on connaît, mais il faut toujours ramener nos spectateurs sur Terre. Et pour revenir sur Terre, c'est l'une des chansons que l'on met en musique pour accompagner, pour accompagner le retour de nos visiteurs sur Terre, et je trouve qu'elle est extrêmement appropriée parce qu'on y parle d'arc-en-ciel, de ciel bleu, de nuages blancs. C'est un hymne à la vie magnifique avec une musique qui est très très très belle et je pense qu'elle m'a marqué. Et c'est une invitation à l'admiration et au respect de notre merveilleuse planète bleue. C'est ça. Sur France Bleu Armorique, justement, la voici. I see trees of green, roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Minutes de bonheur vous ont été offertes par Louis Armstrong et surtout par Michel Cabaret, qui est notre invité dans l'émission Breton aujourd'hui. Retour sur Terre. Retour sur Terre, oui, le directeur de l'espace des sciences qui a eu envie de choisir cette chanson hommage à cette planète. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que vous êtes devenu scientifique, je pense, parce que vous êtes désespérément amoureux de la nature et de la Terre, non ? Oui, c'est parti comme ça, d'ailleurs, mon intérêt pour les sciences. Eh oui. Et comment mieux protéger ce que l'on connaît bien? C'est vrai. Et on a de la chance de vivre sur une très belle planète, la planète bleue, qui est magnifique. La plus belle, vous croyez? Puisque je pense que c'est la plus belle. Ouais. Moi, c'est ce que pense. Vous diriez. Oui. Comme la Bretagne. Comme la Bretagne, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes un chauvin, un terrien chauvin. Êtes-vous devenu un breton chauvin? On va voir en tout cas si, au niveau musical, vous êtes plutôt Miossec, le Brestois, ou plutôt musique traditionnelle. Ça, c'est les sœurs Gouelec. Puis dans le rock-rock, jeune génération. Ça, c'est les Startigènes. C'est vrai que la musique bretonne. Bon, Miossec, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est tout est bien, en fait. C'est très varié. Ouais, et vous allez dans les festivals un peu, Michel Carrel? Oui, je suis allé au festival, enfin plusieurs fois, hein, d'ailleurs, au festival interceltique de Lorient. Alors, il y a ces parades, mais j'ai plutôt préféré le galicien Carlos Núñez. Voilà. J'apprécie bien parce qu'il y a la prouesse sportive, la prouesse musicale, chanter un tel dynamisme et puis aussi une relation entre la Bretagne et la Galice avec lui. Oui, c'est vrai, et il y a un pont, donc on revient à cette Bretagne ouverte sur le monde avec Carlos Núñez. Uh-huh. Et les autres festivals, je pense qu'il y en a d'autres parce que là on vient de parler de festivals musicaux, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait penser à Maëlle Chantrelle avec Étonnant Voyageur à Saint-Malo le lundi de Pentecôte chaque année. Vous où les plus grands écrivains du monde. Oui, ils viennent et j'ai écouté plusieurs rendez-vous, notamment lorsque Hubert Reeves était là, mais aussi beaucoup d'autres écrivains. C'est assez formidable, ça donne aussi une très très bonne image de la Bretagne. C'est Jean-Michel Le Boulanger qui a repris le flambeau après Michel Lebris, qui était le créateur. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique pour notre région. Mm-hmm. Donc vous avez quand même un petit peu le temps d'explorer, d'aller faire un petit saut à droite, à gauche. Ça n'empêche que ces personnages bretons peuvent être assez surprenants. Y en a-t-il qui vous épatent dans les personnages typiquement bretons, que ce soit des gens disparus ou... Ouais, alors Yves Coppens, vous me parlez de personnes disparues. Je pense, j'apprécie beaucoup Alan Stivell. Ah. Voilà, qui d'ailleurs en avril dernier est venu avec un conférencier qui nous a fait une très belle conférence, Éric Lagadec, sur les origines aussi de l'univers. Ouais. Et Alan est venu chanter Trimartenode. C'est pas vrai. Si, vous avez eu un Trimartenode. Ouais, spécial espace des sciences. Vous êtes un peu chouchou, vous, quand oui, même. Oui, on est un petit peu chouchou. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a aussi régulièrement des artistes, et c'est bien de le rappeler, qui viennent se produire. Oui, parce que je pense que c'est bien de donner la parole aussi aux artistes. Il y a l'aspect imaginaire aussi qu'on vit très fort en Bretagne, cette histoire passée, puis ce futur que l'on prépare tous ensemble. Il y a un esprit collectif que j'aime bien en Bretagne, avec une identité régionale qui est forte, qui est marquée. Il y a de grands politiques aussi qui marquent la Bretagne. Hein. Je pense à Jean-Yves Le Drian. Moi, plus près de nous, à côté, j'ai bien connu et je connais toujours bien Edmond Hervé, qui a été un grand maire de Rennes. Donc on a la chance quand même d'avoir de fortes personnalités ancrées et qui donnent vraiment pour la Bretagne. Et il y a la vie associative aussi. Vous faites partie d'une association? Alors, j'ai été pendant plus de 25 ans adhérent à la JA Melès, c'est mon club de course à pied de cœur. Mm-hmm. C'est là, avec cette équipe, que j'ai réalisé de très beaux temps au marathon, au semi-marathon. Maëtte vous en parlait tout à l'heure. Je suis membre aussi d'associations pour la protection du patrimoine scientifique. Ici et là, j'aime bien m'impliquer aussi et puis montrer que là, finalement, la science, elle est partout autour de nous et c'est toujours lié un petit peu à la connaissances, peut-être, mes centres d'intérêt. Mmh. Mais ils sont vastes et il n'y a pas que la science non plus. Non, mais ça n'empêche qu'on a bien compris. On va voir aussi avec vous d'ici quelques minutes les bonnes adresses que vous pouvez nous fournir. On est ensemble, je le rappelle, Michel Cabaret, jusqu'à 17h. Pour l'instant, il est presque 16h30. Toute cette semaine dans Curieux de Nature, on retourne à l'école. L'Académie des Herbes Folles, c'est un concept créé par Ludivine et Raphaël de Louzou. L'idée est d'aller avec elles en forêt ou en bord de mer pour apprendre à reconnaître des plantes, puis savoir comment les cuisiner. Raphaël et Ludivine nous emmènent justement à la pointe du Minga, entre Saint-Malo et Cancale, pour nous présenter cette initiative passionnante. Curieux de Nature à l'Académie des Herbes Folles, c'est à découvrir du lundi au vendredi à 7h20 et le dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Armorique. Je

words instead. C'est Adèle sur France Bleu Armorique à 16h35, ou presque 36 d'ailleurs, avec l'émission Breton pour Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des Sciences qui nous rend visite aujourd'hui. Michel Cabaret, vous nous l'avez dit, vous êtes un homme de la Terre, vous êtes amoureux de la Terre avec un T majuscule. Et on est en Bretagne avec un chapelet d'îles. Parmi ces îles, il y en a une qui a eu la chance d'avoir sa propre chanson. C'est Laurent Voulzy qui s'appelle. Vous savez évidemment comment s'appelle l'endroit où on arrive quand on débarque. Au palais. Ah bah oui, c'est le palais, bien sûr. Bon, est-ce que c'est votre île préférée? Ah bah écoutez, je n'y avais pas pensé au premier abord, mais elle est magnifique. Belle île, c'est la plus grande. J'ai fait le tour agricole, à pied. Et elle est agricole. Et vélo, à pied, en vélo, elle est magnifique. Je pense à la grotte de l'apothicaire, je pense à de superbes paysages là-bas. Bon, moi j'avais sélectionné en écoutant votre question, là, tout de suite, l'île d'Ars. C'est une île plus petite dans le golfe du Morbihan parce qu'on fait le tour à pied facilement dans une journée. C'est vrai qu'elle est chouette. Ouais. On a beaucoup d'îles autour, dont l'île aux Moines, l'île Lure. Elle est magnifique aussi. Elle est très, très calme avec son petit clocher central, son histoire avec les thoniers. Elle est dans le golfe du Morbihan et donc c'est une île particulière. Mais il y a de très belles îles en Bretagne, Bréa aussi, Watt, Edic, c'est vrai, Ouessant, Molène. C'est pas la même chose quand on est dans le golfe du Morbihan, aller sur l'île, c'est quand même pas la même contrainte que lorsqu'il faut faire une traversée de plus d'une heure. Moi, je vous ai parlé là d'une île, effectivement, au calme, quoi. Bah oui, il n'y a pas non plus de très très grosses tempêtes. Non. Alors, vous avez, quand vous avez noté une île dans votre tête, vous avez tout de suite l'impression d'un voyage. C'est vrai que dès qu'on prend un bateau pour aller sur une île, on part en voyage. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le côté gastronomique Bretagne. Les brioches chantées par Joe Dassin m'emmènent sur les spécialités qui sont plus bretonnes, c'est-à-dire le cougnamande, c'est-à-dire le kikafars, le caramel. Excellent. Le quand vous voyagez, parce que ça vous arrive quand même, pour le travail ou pour vous, est-ce que vous emmenez vous apportez dans vos valises ces spécialités-là? Alors, des crêpes, des galettes aussi, et puis peut-être des cratelins. Ah. Mais les crêpes et les galettes ont la priorité. Le beurre salé un peu. Ah oui, oh oui, excellent. Ça voyage moins bien. C'est vrai. Ça dépend le temps qu'il fait dehors. C'est vrai, vu qu'il fait chaud maintenant, plus souvent, ça peut fondre. Vous faites partie de ceux, n'empêche, c'est vrai, qui mettaient dans vos bagages ces spécialités. Nous sommes allés à l'anniversaire d'un de nos amis en Haute-Savoie, en train, et donc on avait emmené les galettes et les crêpes pour lui offrir. Et ça, c'est le cadeau qui marche ça à chaque plaît fois. Toujours. Remarquez, je peux comprendre ça. La nourriture, on n'a pas tout à fait terminé là-dessus. On va y revenir d'ici quelques minutes sur France Bleu Armorique. Le temps d'écouter Christophe Maé avec le duo Amadou et Mariam, avec la nouvelle chanson L'amour. Ce titre d'ailleurs me fait penser à des dictons, parce que voilà, le mot de l'amour, on le retrouve dans plein de dictons bretons. Alors, il y a des dictons qui sont très, très connus en Bretagne. En Bretagne, il pleut que sur les... Voilà. En Bretagne, la parole, c'est de la fonte. Enfin, ça, c'est bien. Alors, ça, c'est vrai. Les Bretons tiennent parole. Enfin, je dis pas que dans ma région d'origine, le Perche, les gens ne tiennent pas parole. Mais les Bretons sont fidèles, il y a un engagement. Je pense que par rapport à beaucoup d'autres régions françaises, c'est quelque chose que je retiendrai. Ouais, et c'est pour ça aussi que vous êtes heureux ici. Ouais, parce que je suis fidèle. On vous croit bien volontiers. Allez, voici la chanson de notre trio sur France Bleu Armorique. Et ensuite, les bonnes adresses, les bons restos que vous nous recommandez, Michel Cabaret. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits cas qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens. Les Maliens avec Christophe Maé. Je parle du Mali là parce que d'ici quelques minutes sur France Bleu Armorique, dans le cadre de notre émission un peu avant 17h, on sera au Burundi avec le témoignage qu'a recueilli pour nous Glenn Jégou, d'une Bretonne qui s'est installée, une Bretonne d'adoption hein, qui s'est installée dans notre région en venant du Burundi et qui va nous raconter son arrivée en Bretagne. Michel Cabaret, c'est vous notre invité pour l'instant, je rappelle, hein, le cofondateur et directeur de l'Espace des Sciences. On a promis qu'on allait aller au resto. Quel restaurant nous proposeriez-vous ? Eh bien écoutez, je viens de découvrir un petit restaurant que j'ai trouvé formidable, le Pesca, rue de Saint-Malo. À Rennes. On peut y goûter d'excellents poissons cuits juste ce qu'il faut. Mm-hmm. Beaucoup d'arômes, de saveurs, c'est très fin. C'est un petit restaurant et c'est parfait. D'accord, très bien. Il y a beaucoup d'autres restaurants à Rennes. Ouais, mais... Brasserie, Le Galopin, le ouais. New York, un grand restaurant et d'autres. On a la chance d'avoir de nombreuses très très bonnes adresses. Vous avez jamais eu encore l'idée de parler des saveurs à l'Espace des Sciences ? Mais si, parce que finalement la cuisine c'est de la c'est chimie, scientifique. De la chimie. Ouais. Et donc lorsqu'on fait une mayonnaise, lorsqu'on extrait les saveurs des carapaces d'homard pour faire des sauces par exemple, on fait de la science. Donc, il faut l'expliquer, tout cela. Mais vous n'avez pas encore installé une grande cuisine dans le hall de l'Espace des Sciences pour faire mais une exposition. Mais ça va venir. Ah, vous voyez que ça pourrait être une idée. Alors, la Bretagne, elle se parcourt aussi à deux roues. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. On sait, Michel Cabaret, que vous courez, vous faites peut-être même du vélo. Oui. Ah oui, j'aime Alors, bien. Où ça ? Hein ? Ah bah écoutez, tous les ans, je pars de très bon matin, comme dans la chanson d'Yves Montand, à Sarzeau, 130 km. Départ vers 4h du matin, 5h30, 6h de route, et puis à 10h, nous voici arrivés. Incroyable, juste non, le temps ça pour va, aller mais à je vais aussi sur le, j'allais aussi sur le canal d'Illérance jusqu'à Dinan, aller-retour. Mm-hmm. Là, ça fait plus long, là, ça fait 160 km dans la journée. Oui, ça met donc, il faut prendre un bon couscous le midi, des sucres lents pour rentrer en forme le soir. J'adore les sports d'endurance, en fait. Et alors, il y a des lieux insolites où vous êtes arrivé pour dormir, que ce soit avec le vélo ou autrement ? Alors oui, plusieurs nuits m'ont marqué. Dormir en forêt de pimpons, c'est pas mal, mais j'ai eu encore mieux. J'ai la chance de connaître la petite fille de Marie Curie, qui s'appelle Hélène Langevin, qui est une grande scientifique française, physicienne. Oui. Et donc, elle m'a invité dans sa maison, à l'Arquest, juste à côté de ce qu'on a, enfin, sur le site de Sorbonne-Plage. Et donc, il y a la maison de Marie Curie qui est là. Et donc, j'ai dormi... Sorbonne-Plage, c'est une blague. Non, c'est à la pointe de l'Arquest. à Ploubalzanec. Mm-hmm. Et donc, c'est là que les grands savants, Jean Perrin, prix Nobel, Marie Curie, Irène Curie, Frédéric Joliot, venaient pendant leurs vacances, 2 mois l'été. Ils étaient donc à la découverte de la Bretagne aussi. Et j'ai eu la chance de dormir dans cette maison à l'Arquest. Et ça m'a marqué. Ah ouais. Parce que l'imaginaire autour de Marie Curie, de ses enfants, d'Irène Curie, c'est quelque chose quand même de très très fort. Mm. C'est quand même elle qui a découvert la radioactivité naturelle, artificielle. Et donc, pour moi, c'est très très fort. Oui, forcément. On doit se sentir un peu adoubé, un peu protégé. Quoi. Voilà. Un petit peu en famille, avec des amis, et c'est quelque chose de formidable. Michel Cabaret, ça a été un vrai bonheur de vous avoir dans l'émission Breton. Je rappelle qu'en ce moment, à l'Espace des Sciences, même si c'est fini pour la fête de la science, il y a l'expo sur le cerveau. Voilà, les intelligences, le laboratoire de Merlin, le planétarium qui a été rénové avec une nouvelle séance sur l'eau dans l'univers, parce que les scientifiques nous ont découvert qu'il y avait de l'eau dans l'univers. Au début, on ne le pensait pas, mais il y en a beaucoup. Mmh. Elle n'est pas sous forme liquide, elle est sous forme solide. En glace, quoi. Voilà, ou gazeuse, mais c'est intéressant de découvrir tout ça, parce que qui dit eau dit peut-être vie ailleurs. La vie ailleurs, ouais, les fameux martiens dont on entend parler au cinéma. Merci beaucoup, il faut absolument aller voir cette exposition. Très bonne journée et on Merci se dit Christine. À bientôt. Et un Merci. Grand bonjour à toute votre équipe, parce qu'on vous voit, vous, mais on a entendu Maëlle Chantrel. C'est combien de personnes, l'Espace Une cinquantaine de salariés, bientôt à Morlaix aussi. Et vive la Bretagne. Et vive la Bretagne, merci d'avoir été avec nous. La Bretagne, c'est aussi la musique et les artistes, comme le groupe Fleuve, qu'on va écouter tout de suite. André di Arguasi au vent, Meganto ni jalenos, di gabes di sourci, va. Na jo mesket am an bachoar Mer el fe distag adavad Al eren ar chad en resta Pelak et tro gouzouk ma c'hoar Iz a fe da nijer gagnon La bousset fait gantiata N'a jamais ce mon maroua Vite neiza, vite nijal cuita Dans ce dal la bousset viti Oh, uchal et navel yen du start bella che trop gouzouk ma khoar ils a fait ni la gagnon sur France Bleu Armorique qu'on retrouvera d'ailleurs en concert l'année prochaine au mois de mai 2024. Le groupe est programmé dans le cadre du festival Clé de Sol à Plumelec, donc dans le Morbihan, et on pourra les applaudir le vendredi 24 mai précisément. Je vous avais promis un petit saut au Burundi, rappelez-vous, c'est dans le rendez-vous breton d'ici et d'ailleurs avec Glenn Jégou. Depuis lundi, on rencontre Douceline Gwen Abimana qui aujourd'hui nous évoque son arrivée en Bretagne et qui nous dit aussi l'âge qu'elle avait à ce moment-là. J'ai 25 ans quand j'arrive. J'ai fini ma licence et je vais faire un master. Et donc, je postule, je commence en licence. Et j'arrive dans un appartement. C'est le dépaysement. Et je connais pas les gens, je connais pas mes voisins. Je suis arrivée au mois d'octobre, donc quelques semaines de retard, de cours que je dois rattraper. Il y avait un ami de ma famille qui me louait l'appartement. C'est lui qui m'a montré l'université, qui m'a montré le comment prendre le bus, comment se repérer à l'université, comment vivre au fait. Il m'a donné comment gérer son budget, comment faire les courses. C'est des trucs basiques, mais j'avais besoin. Il m'a dit, et puis tu restes pas dans ton coin, tu sors, tu découvres et tu fais des choses. C'est, je crois que ça. Il a posé un cadre, en fait. Il m'a aidé à poser un cadre. Et comment est-ce que vous avez rencontré alors les Bretonnes, les Bretons, par des soirées, la vie associative? Ah oui. Je me suis intéressée au projet associatif. Et après, je suis devenue présidente de Radio Campus Rennes et puis vice-présidente des Radio Campus. C'était très bien, cet engagement, cette ouverture. Et c'était très bien. Et après, je voulais rentrer. Je voulais vraiment rentrer. Je m'étais dit, c'est la fin, là, je rentre. Et puis, rentrer au Burundi, donc. Rentrer au Burundi, et j'ai eu une demande de mariage après. Et vous avez épousé un Breton? Oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle François ou Fanchik. Fanchik? Oui. Ah, c'est un prénom bien breton. Et son nom de famille, vous aviez dit? Gwen. Gwen, ce qui veut dire? Blanc. Ben voilà. Alors, Douceline Blanc. Ça vous va très bien. Oui, dans un certain sens figuré. C'était... Donc, je suis... Vous êtes restée en Bretagne? Oui, je suis restée en Bretagne. Et vous êtes deux encore ou vous êtes plusieurs maintenant? Ah, on a deux enfants maintenant, deux très beaux enfants. En toute subjectivité, mais oui, on a un garçon et une fille. Il y a Amador et Terry. Eh bien, on les salue sur France Bleu Armorique et puis on continuera à parler de votre Bretagne demain, Douceline. Comment dit-on à demain déjà Tulikoumé. En Kirundi, c'est ça. Kenavo. Tulikoumé, effectivement, à demain avec Douceline, Gwen, Abimana. Moi aussi, je vous dis demain. Passez une bonne journée d'ici quelques instants. C'est Yann Brialix qui vous donne des idées de sortie pour toute la famille à moins de 30 euros. Oui, pour tout le monde. Pour l'instant, c'est Patrick Burel et Icar. Je fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe. À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi? Les amours adultes, j'en suis sûr. Comme à la pêche à la ligne, la sirène mourra à l'usure. Elle est maligne comme toi. Ma plus précieuse compagnie, je cherche d'autres étoiles dans la nuit. Sans ta précieuse compagnie, je cherche. Je veux profiter de mes 20 ans. 120 ans, des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Aimer à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps, et puis m'endormir aux aurores. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Une fois essoré la douleur, quelle couleur prendra mon cœur? Quelle couleur prendra mon cœur? Et les secondes se comptent en heures, je sais pourtant qu'on manque de temps. À quel âge a-t-on moins peur? Dis-moi, maman. Dois-je rire à mon lit, mêler les dents, hurler à me plier en quatre, voir mille amis, voir mille amants, le cœur brisé me rendre malade. Ma plus précieuse compagnie, je cherche d'autres étoiles dans la nuit. Sans ta précieuse compagnie, je cherche. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Aimer à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps, et puis m'endormir aux aurores. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Une fois essoré la douleur, quelle couleur prendra mon cœur? Quelle couleur prendra mon cœur? Je fais des pliages de papier, je me plie en mille origami. Sauf que la feuille est en acier, et toi tu veux qu'on reste amis. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Aimer à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps, cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Une fois il saurait la douleur, quelle couleur prendra mon cœur? Quelle couleur prendra mon cœur? Jusqu'à 17h sur France Bleu Armorique, c'est breton. Écoutez voir. Et là, vous entendez mieux. Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Armorique. Et merci de préférer France Bleu en Bretagne, il est 17h. Le journal avec Fanny Borel. Bonjour Fanny. Bonjour. Un meurtre la nuit dernière à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Un homme a été tué à l'arme blanche après une rixe, Céline Guettaz. Oui, les policiers sont arrivés sur les lieux vers 1h ce matin, rue Colette-Besson, pour un différend entre plusieurs personnes. Sur place, ils ont découvert au sol un homme inconscient avec deux plaies au thorax. La victime n'a pas pu être réanimée. Elle est âgée de 37 ans. Il s'agirait d'un homme connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Son ou ses agresseurs sont toujours en fuite. Une enquête pour meurtre a été ouverte et le parquet de Saint-Brieuc précise qu'une autopsie a lieu ce mercredi dans les services de médecine légale à Rennes. Les précisions, merci de Céline Guettaz, et c'est à retrouver sur francebleu.fr. Une dizaine d'aéroports évacués aujourd'hui en France, dont celui de Rennes. Tous ont reçu des menaces d'attentats. Le mail est arrivé vers midi à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Les forces de police sont rapidement intervenues. Où il y avait une cinquantaine de personnes qui donc ont été évacuées. C'était essentiellement des personnels de l'aéroport. L'évacuation a duré 2 heures en tout, avec un retour à la normale vers 14h. Seul le vol en provenance de Paris a enregistré un léger retard à l'arrivée en Bretagne. Ces alertes à la bombe se multiplient en France depuis 5 jours après l'attaque qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Sachez que le château de Versailles a de nouveau été évacué cet après-midi. C'est la troisième fois depuis samedi. L'explosion qui a touché un hôpital de Gaza hier soir a fait au moins 471 morts selon le ministère de la Santé palestinien. Une explosion dont chacun se rejette la responsabilité. Le Hamas accuse Israël qui de son côté met en cause le djihad islamique, une autre organisation islamiste armée à Gaza qui dément catégoriquement. Sachez aussi qu'Israël a annoncé tout à l'heure autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis les l'Égypte. Et puis le bilan des victimes françaises du Hamas s'alourdit. Elisabeth Borne fait état cet après-midi de 24 morts, 7 personnes encore disparues et plusieurs probablement retenues en otage à Gaza. La première ministre qui indique par ailleurs que 3500 Français d'Israël ont été rapatriés en France. Les pompiers des Côtes d'Armor ont secouru un nageur en difficulté peu avant midi sur la plage du Palu à Ploua. L'homme de 63 ans qui a été récupéré en hypothermie a été transporté à l'hôpital de Paimpol. La mobilisation des agriculteurs bio bretons aujourd'hui. Ils dénoncent la baisse des aides à l'agriculture biologique. Ils ont manifesté à Vannes à la mi-journée. Manifestation également devant la préfecture des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. Ils ont levé le camp vers 15h et ont enchaîné comme ce matin sur des opérations escargots sur la Nationale 12 et la départementale 700 entre Saint-Brieuc et Plaintel. Le prêt à taux zéro qui devait disparaître en 2024 sera au contraire étendu à plus de ménages et davantage de villes. Annonce du ministère de l'économie qui explique que le montant maximum passera de 80 000 à 100 000 euros. Il s'agit de répondre à la crise du crédit immobilier, mais ce prêt ne pourra plus servir à faire bâtir une maison. Et cela par souci de cohérence avec les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols. La météo 100% locale avec le Mille Sabords, le salon nautique de Bretagne. Équipez, vendez ou achetez votre bateau neuf ou d'occasion sur le port du Couesti. Info sur le millesabords.com. Un temps plutôt maussade, Yann. Ouais, mais c'est la faute de Babette. La faute à Babette. Cette dépression Babette qui se trouve sur l'ouest de la région, elle occasionne un renforcement sensible du vent avec des rafales entre 60 et 80 km/h dans l'intérieur des terres, jusqu'à 90-100 km/h sur la côte sud. Ciel chargé avec des précipitations qui tout de même s'éloignent de la Bretagne. Elles sont en train de remonter vers la Normandie à l'heure où je vous parle, mais c'est vrai qu'on a été copieusement arrosé en début d'après-midi. Les températures cet après-midi, elles sont homogènes entre 17 et 20 degrés. Demain, le temps restera très perturbé avec de fréquentes averses et même de l'orage sur la façade atlantique. Si vous voyez une éclaircie demain, profitez-en car elle ne durera pas. On aura de nouveau un vent qui va rester actif, des rafales entre 50 et 70 km/h, localement jusqu'à 80 km/h en matinée. Et les températures, alors on va pas se tromper demain, on va pas se tromper parce que le matin et l'après-midi, c'est les minimales et les maximales, c'est exactement pareil, c'est-à-dire de 15 à 18 pour les minimales et donc de 15 à 18 pour les maximales. Et ben voilà, impeccable, vous savez tout. On va se retrouver tout à l'heure pour réellement tout savoir avec le journal à 18h avec vous Fanny. À tout à l'heure. Et puis on fait la route ensemble sur France Bleu Armorique. À vous signaler des petits ralentissements comme chaque soir sur la rocade rennaise, ça se met en place gentiment. Ralentissement sur la rocade sud en intérieur depuis la porte d'Angers jusqu'à la porte d'Alma. Petit ralentissement également à partir de la porte de Clonay, toujours en chaussée intérieure jusqu'à la porte de Saint-Malo. De l'autre côté, ça coince à l'arrivée du flot de voitures venant de Saint-Malo en chaussée extérieure et ça vous reprend, vous rencontrez de nouveau ces ralentissements à partir de la porte de Clonay jusqu'à la porte de Nantes. Jusqu'à 18h sur France Bleu Armorique, c'est fuité avec Yann Brialix. Et toujours ce même principe, chaque soir entre 17h et 18h, eh bien on met nos plus fins limiers sur le coup. Oui, mais sur quel coup ? Celui de vous trouver des idées de sortie à moins de 30 euros pour 4 personnes. Alors vous pouvez y aller en famille, bien entendu, à 4, ou alors entre amis, puisque ce tarif de 30 euros pour 4 personnes, c'est valable pour les adultes aussi. 4 adultes à moins de 30 euros. Et là, on a un super rendez-vous, un rendez-vous de passionné qui va vous passionner également. C'est le Playmobraise, une exposition de Playmobil. Ça se passe dans le Morbihan, à Ploermel. Ce week-end, ils fêtent leurs 10 ans. Et pour la peine, ils ont mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir avec un tarif tout doux. On vous en parle avant 17h30. Avant 17h30, là aussi, un tarif tout doux puisque ce sera gratuit. Gratuit puisque un cadeau, oui, on vous offrira vos places pour aller voir le concert d'Imouvrini. Ils seront en concert ce samedi à l'Hermione de Saint-Brieuc. Et France Bleu Armorique a décidé que vous aussi, vous y seriez, et ce, gratuitement, puisqu'on vous offrira vos places. Côté musique, pour vous, dans la prochaine demi-heure, il y aura l'artiste malouin Broken Back, les Rolling Stones, et tout de suite, Amy Winehouse avec Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. but my daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go. Sur France Bleu Armorique, juste à l'instant avec Rehab. Et j'ai le plaisir maintenant de partager un rendez-vous. Rendez-vous fameux. Franchement, moi, je suis vraiment emballé. Ça s'appelle le Playmobraise, une exposition de Playmobil, et pas qu'un peu, en l'occurrence, à Ploërmel ce week-end dans le Morbihan. Pour en parler avec nous, Didier Marchal. Bonjour Didier. Bonjour Yann, merci de nous accueillir. Mais on est ravis de vous accueillir, vous voulez dire. Et c'est les 10 ans, pour le coup, de ce rendez-vous. Oui, 10 ans d'aventure avec des groupes familiaux qui partagent leur petite passion. Ah bah oui. Et puis qui la partagent avec les visiteurs. Bah oui, est-ce que c'est une affaire de passion tout ça? Les Playmobil, vous êtes plusieurs dans l'association à les collectionner. Vous êtes combien d'ailleurs dans la SAO? Alors, il y a 18 créateurs. D'accord. Et puis on est presque 40 membres pour parce qu'il y a de la logistique, il y a beaucoup de choses. Hein. Évidemment, évidemment. Et alors dans l'association, on a une petite idée de combien de Playmobil vous réunissez à vous tous? On est sur les Playmobil personnages, on dirait peut-être 20 000. c'est pas important. C'est pas important. L'important, c'est d'avoir celui qu'on veut. Oui. Et on veut toujours celui qu'on n'a pas quand on est collectionneur en plus. Oh, ça va encore. Ça va encore. D'accord. Alors, vous allez mettre à disposition du public, en tout cas pour le voir, pour visiter vos collections avec 12 univers qu'on va pouvoir découvrir à Ploërmel à la salle des fêtes ce week-end. Quels sont ces univers pour le coup, Didier? Cette année, une aventure arctique, présentée en famille, une scène de western avec le pénitencier, une scène Égypte qui n'est pas encore bien définie. D'accord. Ils sont en train de faire les fouilles, forcément, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est soit archéologie, c'est un petit peu... On a un plateau avec des fées, des chevaliers. D'accord. Une nouvelle équipe qui se présente avec un plateau parlant d'éducation et de loisirs canins. Ah, excellent. Très bien. Un autre univers sur les très belles journées que sont les mariages. On a un autre féru qui nous présente l'école des sorciers. Je vous laisse deviner laquelle. Oui, c'est celle d'Harry Potter, c'est ça? Voilà, sans aucun doute. Nous allons avoir le monde des dinosaures, l'univers du cirque. Waouh. Les évocations avec le monde d'Astérix que Playmobil a développé. Ah bah bien sûr, le petit Gaulois, forcément. Voilà, c'est régional. En autre régional, on présente une course cycliste. Et puis enfin, un diorama qui vient seulement de se découvrir, qui était une surprise présentée par nos amis allemands, où il va s'agir de l'espace vers l'infini, bien sûr, c'est Star Trek. Et au-delà. Ah, Star Trek! Waouh! Ah, je suis fan absolu de Star Trek, donc une raison de plus de venir à Playmobrase. Au total, pour cette exposition, vous réunissez à peu près combien de personnages? Sur place, à peu près un peu plus de 3000 présentés. Waouh! Ça fait. Avec environ un millier d'animaux. Dites donc, ça fait vraiment de quoi voir. On a parlé des univers qui seront faits par les membres de l'association. Il y a d'autres univers que ces 12 qu'on a cités. Il y a 8 univers, en fait, qui seront créés par des enfants, c'est bien ça? Voilà, 8 histoires supplémentaires. Ouais. On met à disposition des surfaces un peu plus réduites pour des enfants qui s'inscrivent et qui participent à un concours. D'accord. Qui est un peu le chouchou du public. Ah oui, parce que qui vote en fait? Ils sont 65-70% à voter sur des visiteurs. C'est pas anodin, quoi. Ouais, effectivement. Donc les visiteurs pourront voter pour l'univers préféré parmi les 8 créés par les enfants. Et puis Bien sûr, il y aura des cadeaux pour tout le monde. C'est un peu comme l'école des fans, en fait. sur le concours, il faut bien. Et ben voilà, comme ça il n'y aura que des heureux. Vous aussi, vous serez heureux en allant à Playmobrase à Ploërmel. Je ne vous ai pas posé la question clé, Didier, je vais le faire maintenant. Combien cela va nous coûter de venir vous voir? Alors, pour les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. Et puis pour les adultes, une participation de 2 euros. 2 euros pour les adultes, les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. C'est donc vraiment un bon plan. Le Playmobrase à Ploërmel ce week-end, c'est un bon plan futé qu'on est ravis de partager avec vous. C'est largement moins de 30 euros pour 4. Et donc c'est une vingtaine d'univers, si on compte ceux des enfants et puis ceux des membres de l'association. Vous pourrez retrouver plein d'infos sur playmobrase.fr, tout attaché, Playmobrase. Et puis vous vous rendez bien évidemment à la salle des fêtes de Ploërmel ce week-end de 10h à 18h. Merci beaucoup Didier Marchal d'avoir été avec nous. Non, c'est nous qui vous remercions, Yann. Et on vient vous voir avec un grand plaisir. En avant les histoires. À bientôt. À bientôt. Restez avec nous sur France Bleu Armorique. Encore plein de belles choses pour vous et des cadeaux. En l'occurrence, un concert de chant corse. Oui, vous voyez, le groupe le plus célèbre. On vous offre vos places dans quelques minutes, juste après les Rolling Stones. Start Me Up sur France Bleu Armorique. Bah oui, on sent bien la légende, les Rolling Stones sur France Bleu Armorique avec Start Me Up. Là aussi, c'est légendaire. Ce sont les chants corses des Imouvrini que nous on va vous offrir. Un concert à l'Hermione de Saint-Brieuc ce samedi. Et vous, vous allez pouvoir gagner vos places pour aller voir ce concert d'Imouvrini. Donc, au parc des expositions l'Hermione de Saint-Brieuc ce samedi. Si vous ne savez pas quoi faire samedi, c'est vraiment un cadeau rêvé. On vous l'offre maintenant. Vous nous appelez au 02 99 67 35 35 02 99 67 35 35 pour gagner vos places pour aller voir Imouvrini en concert. Là, c'est un artiste qu'on aime beaucoup. Il est malouin. Il s'appelle Broken Back. Il revient avec un nouvel album qui s'appelle Smile Again. Premier extrait, c'est Un Monde et on l'écoute tout de suite sur France Bleu Armorique. Il faut de tout pour faire un monde. Moi juste toi, toi suffit au mien. Et si nos âmes vagabondent, et vu qu'elles dansent tant jusqu'au matin. I wanna go with you, my love. I wanna dance, dance like we were young. I wanna go with you, my love. I wanna dance with you all night long. C'est car Polo me l'a dit. L'univers a conspiré. Guerre en pierre brûle, bel incendie. S'il faut du tout pour faire un monde, moi juste toi, toi il suffit au mien. Et si nos âmes vagabondent, et bien qu'elles dansent tant jusqu'au matin. I wanna go with you. C'est le premier extrait de son nouvel album Smile Again, s'appelle Un Monde, c'est le malouin Broken Back, un artiste que nous aimons beaucoup. Et donc, on vous a fait découvrir ce nouvel extrait. Sachez qu'il sera en concert à Rennes. Ça sera le 10 novembre au 1988 Live Club. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre sur l'antenne de France Bleu Armorique. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Yann. Comment ça va Marie-Pierre aujourd'hui? Eh ben écoutez, ça va mieux que le temps en tout cas. Ben ouais, vous êtes resté à la maison ou pas? Vous avez eu le choix ou pas? Oui. Oui, voilà. Bon. tout ne s'est pas envolé autour de chez vous, ça va? Non, ça va. Ouais. Bon, vous m'appelez des Côtes d'Armor, c'est ça? C'est ça. À Plaintel. Voilà. Donc vous ne serez pas très loin pour aller à l'Hermione de Saint-Brieuc. Samedi, vous n'aviez rien de prévu encore? Non, justement. Ça tombe bien. On a réservé pour vous vos places pour aller voir Imouvrini en concert. Déjà eu l'occasion de les voir ou pas? Non, du tout. Les écouter, bien sûr, mais les voir, non. Eh bien, génial, ça serait une première grâce à France Bleu Armorique. Ah, très bien, ouais, ouais. Bon. Surtout que c'est des chants, c'est quand même assez prenant. Ah oui, c'est ouais. Le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Ça vous choque, pas du tout. Ça vous chope directement au ventre, pour le coup. Voilà. Marie-Pierre, on est ravis de vous offrir ces deux places. Profitez bien. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à dire à tous vos amis, écoutez, France Bleu Armorique, c'est là qu'il y a des bons plans. Ça marche? Bien sûr. À oui, bientôt, Marie-Pierre. Merci. On vous fait des bises, à très bientôt. Les artistes bretons à l'honneur encore une fois après Broken Back, c'est les Mathmata qui arrivent sur France Bleu Armorique comme si ce n'était rien sur votre radio en Bretagne. Et d'ici quelques minutes, quelques belles idées de sortie. Ce n'est pas tant le fait que l'on s'aime qui me fait sourire. Fut-il à côté du secret que nous gardons sous l'aile. Ricanons-nous, amusons-nous clandestins au plaisir de s'aimer à l'insu du commun des mortels. Aimons-nous plus que de raison, à l'abri du qu'en dira-t-on. Mais quand il nous regarde, seuls avertis, allez voir nous reluquer de leur univers parallèle. Ils se gardent bien de s'inviter dans la comédie. Gardons encore un peu notre secret de polichinelle. Baisons-nous plus que de raison, à la lumière du qu'en dira-t-on. Et comme on les regarde, ça ne sert à rien de faire la gueule, je ne t'aimerai plus comme avant. Il n'y a plus rien d'excitant, plus rien de pendant. Il n'y a rien de plus navrant que de s'aimer devant les gens. Après ça, mes amis, vous n'avez pas la pêche, je ne sais plus quoi faire. Les mathmata, les bretons mathmata, comme si de rien n'était sur France Bleu Armorique. On va redescendre en pression, oui, on va faire un temps calme. Et puisqu'on va parler de lecture, avis aux jeunes lecteurs, le festival du livre jeunesse aura lieu ce dimanche en l'occurrence, juste au-dessus de Quiberon, à Plouarnel, pour cette deuxième édition du festival organisé par La Vie en Livre. Et puis la librairie Le Petit Monde de Zabel, 35 auteurs et illustrateurs seront présents pour venir à votre rencontre. Plusieurs animations sont prévues, des ateliers d'écriture, des lectures publiques, des séances de réalité virtuelle, un concours de dessin et puis également un puzzle géant. Le festival du livre jeunesse, c'est ce dimanche entre 10h et 18h dans le Morbihan avec l'espace culture de Plouarnel et c'est évidemment avec France Bleu Armorique. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Armorique, ici, on parle d'ici. La météo 100% locale avec le Mille Sabord, le salon nautique de Bretagne. Équipez, vendez ou achetez votre bateau neuf ou d'occasion sur le port du Couesti. Info sur le millesabord.com. La météo de la Bretagne perturbée aujourd'hui avec la dépression Babette hein, qui se trouve sur l'ouest de la région. Elle occasionne donc un renforcement sensible du vent, des rafales entre 60 et 80 km/h dans les terres, jusqu'à 90 à 100 km/h sur la côte sud, avec des précipitations qui sont peu à peu évacuées vers la Normandie. On devrait même avoir quelques timides éclaircies pour le sud de la Bretagne. Les températures homogènes cet après-midi entre 17 et 20 pour demain. Le temps restera très perturbé avec de fréquentes averses et même de l'orage sur la façade atlantique. On aura vraiment quelques toutes petites éclaircies qui ne dureront pas. Du vent encore avec des rafales entre 50 et 70 km/h, localement jusqu'à 80, en matinée et sur la côte morbihanaise. Les températures pour demain, les minimales, les maximales sont les mêmes. On aura entre 15 et 18. Et puis on fait la route ensemble sur France Bleu Armorique du côté de la rocade rennaise. Ça y est, ça s'est chargé et donc du coup, vous êtes au ralenti comme chaque soir à partir de la porte de Beaulieu sur la rocade sud intérieure jusqu'à la porte d'Alma. Ça reprend très vite ensuite à partir de la porte Saint-Nazaire au ralenti jusqu'à la porte de Saint-Malo et même un peu après. De l'autre côté de la chaussée, toujours sur cette rocade rennaise, des ralentissements en rocade nord, chaussée extérieure à partir de la porte des Longchamps. Ça vous accompagne quasiment jusqu'à la porte de Saint-Malo. Ça reprend très peu de temps après avec à partir de la sortie direction Saint-Brieuc, des ralentissements qui vous amènent jusqu'à la porte de Nantes. Et puis le ralentissement de la Nationale 157 en direction de Laval qui est en train de se mettre en place. Et comme d'habitude, des ralentissements jusqu'à Noyal-sur-Vilaine. On termine avec des ralentissements du côté des Côtes d'Armor sur la Nationale 164. Il y a des travaux dans ce secteur entre Loudéac et Plémé. Et donc vous avez dans les deux sens de circulation des petits ralentissements. Prudence. Jusqu'à 18h sur France Bleu Armorique, c'est Fuité avec Yann Brialix. Et si vous aimez le grand spectacle, le vélo, vous allez être gâtés. On va vous parler d'ici quelques minutes de la Coupe de France de cyclocross. Ça se déroule dans le Morbihan ce week-end, à Quelnoc-Carantoire. Et c'est avec France Bleu Armorique qu'on va vous détailler ces deux jours incroyables avec cette Coupe de France de cyclocross. On vous offrira également un pack famille pour profiter du Cirque Métropole sans avoir besoin de gréver le budget. On vous offrira 4 places pour le Cirque Métropole qui fait une halte à Rennes du 25 octobre au 12 novembre avec son spectacle Imagine. Nicolas Lespaul avant 18h sera des nôtres également. Il nous fera écouter Céline Dion avec Pour que tu m'aimes encore, c'est le collector du jour. Et la musique toujours avant 18h, on aura la chanteuse Stéphane et Petit K pour un duo et puis ça s'appelle mieux comme ça pardon le duo. Et puis tout de suite pour vous Marina Kay avec Homeless. Lay my have a place I can call my own. That's where I go till the night is gone. I travel my mind and into my heart. Nobody knows when I go that far. Sur France Bleu Armorique et Homeless. Allez, on continue à partager à nos bons plans sur France Bleu Armorique. Je vous le rappelle, futé, on vous trouve des bons plans pour profiter en famille, entre amis, sans trop dépenser. Et là, c'est le cas avec la Coupe de France de cyclocross qui aura lieu à Quelnoc-Carentoire dans le Morbihan ce week-end. Pour en parler avec nous, nous avons Christian Mellet. Bonjour Christian. Bonjour Yann, bonjour. Merci de nous rejoindre. Et alors, je dis Coupe de France, mais en fait, il y en a deux. Il y a deux manches qui vont avoir lieu à Carentoire. On va en parler dans un instant. Rappelez-nous ce qu'est le cyclocross pour que tout le monde voit bien de quoi on parle. Alors, bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors, le cyclocross, c'est une discipline hivernale. Mmh. Donc, c'est un vélo de route, plus ou moins un peu. Modifier un petit peu pour passer les talus, les marches, aller dans les bois, les prairies, la route. Voilà, il y a plusieurs choses dans un circuit de cyclocross. D'accord. Notre circuit fait 2,650 km, voilà, à parcourir suivant la durée des catégories. Et alors, on imagine bien que si deux manches de Coupe de France se jouent à Quelnoc-Carentoire, c'est que le lieu, le circuit et l'organisation également sont réputés. Alors oui, puisque nous avons déjà fait deux championnats de France à Quelnoc, c'est notre 9e et 10e Coupe de France. Bon, c'est un circuit qui, bien sûr, a été approuvé par la Fédération Française de Cyclisme et un circuit très apprécié des coureurs. Est-ce qu'il est difficile ? Est-ce qu'il est difficile ? Est-ce qu'il est piégeux ? Oui, c'est un des circuits assez difficiles puisqu'on a 65 mètres de dénivelé par tour. Ah oui. Oui, il est vraiment... Il est difficile. Faut avoir les jambes. Il faut t'entraîner, oui, voilà. Alors, on le disait, deux Coupes de France qui vont se jouer ce week-end. Pourquoi deux Coupes de France ? Expliquez-nous. Alors, c'est pas moi qui décide ça, c'est la Fédération Française de Cyclisme. Ouais. C'est des Coupes de France, bien sûr, il y a des points UCI à prendre, donc on a des étrangers. D'accord. Et ça fait plus de... Voilà, pour les coureurs qui viennent de très loin, parce qu'ils viennent de toute la France, même maintenant de Belgique et d'Espagne, qui vont être là ce week-end à Quelnoc. Eh oui. Donc, ça leur permet de faire un déplacement pour deux épreuves. J'imagine également que on a parlé du fait qu'il fallait être en bonne condition physique, c'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine que si on parle de Coupe de France, il y a du très, très, très haut niveau au niveau des athlètes. Eh oui, c'est les meilleurs. Donc, c'est les meilleurs Français. Il va y avoir 1135 coureurs sur les deux jours. Et donc, on a un Belge, bien sûr, parce que c'est la discipline en Belgique, hein, c'est la discipline reine, le cross, et qui a gagné des Coupes de France l'année dernière en France, déjà, à Troyes, à Camors. Ils sont là cette année. Et donc, il y a des pros, il y a des professionnels et des amateurs. Mais c'est du top niveau. Ce qu'on va pouvoir voir, et c'est ça qui est important de dire aux auditeurs, c'est que c'est vraiment le top niveau du cyclocross. Et puis vous le disiez, alors il y a effectivement le circuit qui est apprécié des coureurs, mais également l'ambiance. Elle est comment l'ambiance à Quelnoc ? Alors l'ambiance, normalement elle est bonne l'ambiance, puisque Excellente. Nous avons les deux meilleurs speakers du Tour de France, l'ancien et le nouveau, je vais dire, ouais. Daniel Mangias et Damien Martin, donc qui anime l'épreuve et les courses. D'une remarquable, quoi. C'est vraiment. On est pris dans l'ambiance. Hein. Ah ben alors, oui. Il y a ça. Après, il y a la restauration et tout ça, bien sûr. Parce bien qu'on, sûr. On fabrique tout, nous, sur place. Hein. Il y a les galettes, toutes les crêpes, tout est fabriqué sur place. Et il y a même, pour ceux qui voudraient venir en camping-car, des aires pour les camping-cars. Bref, c'est super bien organisé. Cette Coupe de France de cyclocross à Quelnec-Carentoire, c'est ce week-end. Et alors, le tarif, il est tout doux, puisque c'est 10 euros pour un forfait de 2 jours. On peut venir autant qu'on veut sur les 2 jours, et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. C'est donc un bon plan futé. On vous donne le label, Christian, on en est ravis. La Coupe de France de cyclocross Quelnec-Carentoire dans le Morbihan avec France Bleu Armorique. Merci beaucoup, on vient vous voir ce week-end. Merci Christian. Oui, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. À très bientôt. Restez avec nous sur France Bleu Armorique. D'ici quelques minutes, on va jouer de nouveau ensemble avec de nouveau des cadeaux. Et oui, on vous dit qu'il y a des bons plans. Bah, là aussi, c'est des bons plans. Le pack famille pour le Cirque Métropole, le Cirque de Bretagne, a gagné lors de son passage pendant les vacances à Rennes. Et son nouveau spectacle, Imagine, c'est dans quelques minutes sur France Bleu Armorique. Jusqu'à 18h sur France Bleu Armorique, c'est futé. Et un petit peu de douceur pour vous raccompagner jusqu'à la maison ce soir sur France Bleu Armorique. C'est Billy Joel avec ce slow incontournable Honesty. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to be. Mostly what I need from you.

plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez voir. Optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La nostalgie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La nostalgie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Armorique. Et merci de nous avoir choisi les 18h. Le journal avec Fanny Borel et l'aéroport de Rennes évacué pendant 2 heures à la mi-journée après une alerte à la bombe. Et il n'est pas le seul. Une dizaine d'aéroports français ont été impactés, dont Nantes, Toulouse ou Bordeaux. Tous ont reçu des mails avec des menaces d'attentats. À Rennes, le terminal a donc été fermé entre midi et 14 heures avec une cinquantaine de personnes, principalement des personnels de l'aéroport qui ont été évacués. Cette alerte à la bombe a eu très peu de conséquences sur le trafic aérien, seulement un léger retard pour un avion arrivant de Paris. Le château de Versailles a dû également fermer pendant 2 bonnes heures. Aujourd'hui, c'est la 3e fois depuis samedi. Les fausses alertes à la bombe ou d'attentats, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais elles se multiplient dans le contexte de l'attentat d'Arras et notamment dans des lycées. Et cela mobilise forcément à chaque fois de nombreuses forces de police. Aurélien Thirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Les auteurs de ces fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, dit cet après-midi le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Des manifestations un peu partout dans le monde arabo-musulman après l'explosion dans un hôpital à Gaza hier soir. Une explosion qui a fait 471 morts selon un dernier bilan du ministère de la Santé palestinien. Les Palestiniens qui rejettent la responsabilité sur Israël et inversement, un porte-parole de la Maison-Blanche indique cet après-midi que des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause. Et puis sachez que le bilan des victimes françaises du Hamas s'alourdit. Il fait état désormais de 24 morts, 7 personnes encore disparues et plusieurs probablement retenues en otage à Gaza. 3 500 Français d'Israël ont été rapatriés en France depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Un meurtre à Saint-Brieuc la nuit dernière. Un homme de 37 ans a été tué à l'arme blanche rue Colette-Besson. Il a été touché à l'abdomen et au cœur. Les secours qui sont intervenus vers 1h du matin n'ont pas pu le réanimer. Il s'agit d'un homme connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Son ou ses agresseurs sont toujours en fuite. Une enquête a bien sûr été ouverte. Une autopsie a lieu aujourd'hui. Un accident mortel en tout début d'après-midi à Hercé-en-Lamée sur la route de la Bosse de Bretagne. Une voiture seule a tapé le talus. Après une désincarcération, les secours ont tenté de réanimer en vain le conducteur de 48 ans. Les pompiers des Côtes d'Armor ont secouru un nageur en difficulté peu avant midi. Ça s'est passé sur la plage du Palu à Ploua. L'homme de 63 ans a été transporté en hypothermie à l'hôpital de Paimpol. À 2 mois des fêtes de fin d'année, est-ce que vous faites vos cadeaux à mettre sous le sapin? Dites-le nous demain matin sur France Bleu Armorique. Vous pouvez nous appeler au 02 99 67 35 35. Sachez en tout cas d'après les professionnels du jouet, il y a des clients dès ce mois d'octobre et l'esprit Noël serait déjà là, Céline Guettaz. Et pour en être sûr, eh bien je m'adresse d'abord aux principaux intéressés. Si je vous dis Noël, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez commander? Oui, oui.